Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Juste après Difool, est toujours un plaisir de recevoir Lefa qui est là avec nous. Ça va Lefa? Bien ou quoi mon frérot? Bien le vendredi soir. Généralement c'est quoi? C'est la maison, c'est en concert, c'est... Ça dépend. Ça dépend des propositions. Mais là, non, la proposition c'est la nocturne. Exactement, donc très belle proposition. Parce qu'il y a un projet qui est virtuellement dans les bacs. Voilà, donc c'était l'occasion de parler un peu de ça. Donc la mixtape, tu me connais pas. TMCP. TMCP, dispo sur toutes les plateformes de streaming. Depuis aujourd'hui. Ouais, depuis cette nuit, enfin la nuit dernière. Depuis cette nuit, quoi, voilà, minuit, une heure. Donc voilà, une petite mixtape bien rap. C'était quoi? C'était une envie de rapper un peu plus? C'était... Exactement. Et puis, tu sais, moi, je balançais les TMCP en parallèle de mon album sur ma chaîne Vevo. On peut dire d'ailleurs album disque d'or quand même aussi. C'est important de le signaler quand même. L'album de Lefa quand même. Yeah, disque d'or. Donc, un grand merci à tous mes fans, tous mes supporters. Et voilà, cette mixtape, c'était aussi l'occasion de remercier les gens pour ce disque d'or. Et puis, voilà, leur faire un petit cadeau, un petit kiff. Parce que je sais que mes fans, ils aiment bien aussi mon côté peura, tu vois. Ils aiment bien Fall quand il kick. Quand il kick, voilà. L'album, il était un peu plus large et tout ça. Bon, il y avait du peura dedans, bien sûr. Mais c'est vrai que, voilà, les gens voulaient du Fall en mode mixtape, tu vois. Et donc, c'est quoi? Ça, c'est des morceaux que t'avais fait au moment de l'album ou au fur et à mesure Voilà, c'est ça. C'est des morceaux que j'ai enregistrés plus ou moins en même temps que l'album. Donc, quand j'ai commencé à promouvoir mon album, je me suis dit, ce serait bien de balancer ces morceaux en parallèle comme des petits hors-série, tu vois. Donc c'est de là qu'est né le concept TMCP. Donc c'était des épisodes comme ça que je balançais régulièrement, des freestyles on va dire. Et y a pas mal de gens qui m'ont dit ce serait bien que tu les mettes en streaming, tu sais, qu'on puisse les avoir dans notre playlist, parce que c'était que sur ma chaîne Vevo. Donc je me suis dit vas-y, c'est une bonne idée. Allez. En plus c'est l'occasion d'envoyer du rap. Donc voilà, j'ai rajouté quelques inédits. Et voilà, petite mixtape TMCP quoi. Bon, et nous ce qu'on va faire ce soir, comme c'est dispo gratos, c'est toi qui prends le contrôle de la nocturne. Tu vas donc ambiancer tous tes morceaux. On va passer toute la tape. Yes. Et même on aura des surprises puisqu'il y a du live qui sera prévu en fin de nocturne. Exactement, on va se réserver deux titres pour le live. Avec des belles surprises qui vont nous rejoindre. Des belles surprises, des guests. Guests qui vont nous rejoindre durant cette nocturne. Exactement. Donc on va pas en dire plus pour le moment, ils vont arriver au calme. On attaque avec fierté? C'est parti. Allez, fierté. C'est parti, coup d'envoi. Planète rap, 100% rap français. Non merci. Yeah. Arrête de faire le mariole, tu vas prendre un chat sénégue. T'as tout dans l'esclemur, rien dans la tête comme Schwarzenegger. Reste paisible, les coups de batte de baseball sont très précis. Si tu me cherches, je suis dans la loge présidentielle, pauvre imbécile. Qui se souvient de la terre du milieu? Tu peux me rappeler combien d'MC on a humilié? J'ai pas changé, je porte toujours pas de montre à 10 000. Mais je garde toujours un temps d'avance en toute humilité. J'arrive au calme en solo, je vois que le game a la tête sous l'eau. Ça m'a saoulé, marre de me salir pour sauver leur salaire. L'alarme s'est déclenchée, mais t'inquiète, c'était qu'une fausse alerte. C'est moi qui ai surchauffé le rap, m'énerve, j'ai insulté sa mère. En face de leur ego surdimensionné, le mien passe pour un pygmée. On n'est pas dans le même délire, pas la peine d'essayer de copiner. Avec l'équipe, on a l'habitude de jouer, donc de combiner. On leur fait mal au crâne, médecin, ordonnance, pharmacie comprimée. Excusez-moi, mais je pense pas qu'à domicile on va s'incliner. On va vous péter les os, je vous prends tous rendez-vous chez le kiné. Je vous conseille d'abandonner, à la longue vous allez vous fatiguer. Vous ne mangez à notre table que quand on invite des cons à dîner. Regardez-moi bien, vous me connaissez. Ouais, ouais, ouais. N'est la papa de non merci. Non merci. Pas du genre à me laisser tenir en l'air. Non, non. Non merci. Non merci. Fierté, ma fierté, ma fierté. J'ai ma fierté, ma fierté, ma fierté. Non merci. Fierté, ma fierté. J'ai ma fierté, ma fierté, ma fierté. Non merci. Waouh, tu leur fais du sale. Fall, arrête de faire ça. Au bord de la dépression, les mecs vont se mettre à bouffer du sable. Oh, c'est n'importe quoi. Oui, j'ai gâté le coin, mais bon, les mecs font tous la même chose. Fallait bien taper du poing. De toute façon, je vais pas rester ici. Dans quelques temps, je redécolle. Je veux pas qu'on parle trop de moi, je te jure, c'est trop dangereux l'école. Tous tes principes, c'était pas solide. Le rap, je les gomme. J'ai pris du recul, maintenant je m'en fous. Mes disques d'or, je te les donne. Yeah, ça tombe bien, j'en ai un là. Je te les donne. Mes disques d'or, qui les veut donne. Un disque d'or. Je te les donne. Yeah, la mixtape. Déjà dispo en streaming. Regardez-moi bien, vous me connaissez. Yeah, yeah, yeah. Donnez la papate, non merci. Non merci. Pas du genre à me laisser tenir en laisse. Non, non. Non merci. Regardez-moi bien, vous me connaissez. Donnez la papate, non merci. Pas du genre à me laisser tenir en laisse. Non merci, non merci. Fierté, ma fierté, ma fierté. J'ai ma fierté, ma fierté, ma fierté. Non merci. Fierté, ma fierté, ma fierté. J'ai ma fierté, ma fierté, ma fierté. Non merci. Fierté, ma fierté, ma fierté. Tu me connais pas, tu me connais pas. Fierté, ma fierté, ma fierté. J'ai ma fierté, ma fierté, ma fierté. Non merci. Amen. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bête noire. La mixtape est sur iTunes. Qu'est-ce que je raconte? La mixtape est en streaming. Apple Music, Spotify, Deezer, elle est partout. Pareil que je me suis fait remarquer. Remarquer. Le game est en panne, pas de panique, je vais le remorquer. Remorquer. Désolé, mais je ne suis pas à ta portée. Non. Si ton album n'est pas sorti, je te conseille de reporter. Reporter. Reporter. À vos mains, bref, partez. Partez, partez, partez. Cette année, vous allez smaquer le parquet. Le parquet, le parquet, le parquet, le parquet. J'suis revenu parce que le job n'était pas fait. Heureusement, Black et Muggy sont restés pour les parfaits. Parfait, parfait, parfait. Ouais, ouais, j'prends le relais, je sais quoi faire. Ça va décoiffer, accrochez-vous. Ouais. Imagine-moi dans un gros fer allemand sous le capot, 400 chevaux. Et quand je roule, j'illumine la ville. Les caméras de surveillance me filment. Mais sur la toile, lui défile. Rassurez-vous, je ne fais pas ça pour les filles. Shit, shit. Depuis que je suis parti, j'entends des échos. J'entends des échos. Je suis la bête noire de tous ceux qui ont des problèmes d'égo. Des problèmes d'égo. Tu t'es gouré mon pote, on est loin d'être ex-écho. Loin, loin. Est-ce que tu peux te pousser s'il te plaît, je vais refaire la déco. Je vais faire la déco. Arrête de faire semblant négo, tu me connais pas non. Tu me connais pas non. Tu me connais pas. Tu me connais pas. Arrête de faire semblant négo, tu me connais pas non. Tu me connais pas. Tu me connais pas. Tu me connais toi. Arrête de faire semblant d'ego, tu me connais pas non. Tu me connais pas non. Bête noire, extrait de la mixtape TMCP, c'est dispo en streaming. Allez chercher ça, c'est gratuit. On va cliquer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Joe et Touch à la prod. C'est la nocturne et c'est le Fa qui a pris le contrôle de la nocturne. Complètement. Avec son projet, donc il n'est pas, je le disais, sur iTunes, mais ouais, sur tous les sites de streaming, parce que c'est pas en vente. Ouais, c'est gratos. J'étais sous enjaillement, Fred, excuse-moi. Oui, j'ai senti j'ai ça, dit ouais. Nymphe. Ouais, c'est sur Apple Music, Deezer, Spotify, même Vevo, voilà ma chaîne Vevo. Donc voilà, allez regarder ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi la saga, il y a déjà pas mal d'épisodes, j'avais balancé, donc des clips. Donc voilà, hein, allez regarder ça, c'est du lourd, c'est du rap. Les morceaux qu'on écoutait, il y avait Fierté pour débuter. Fierté, Bête ouais. Bête Noire aussi à l'instant. Bête Noire. Donc même producteur aussi là-dessus, parce que j'ai ouais, Fierté, Bête Noire, voilà, Joe et Touch. Joe et Touch, qui est mon un mec gars sûr. Très très chaud. Qui est très très chaud. Il était venu d'ailleurs dans ton Planète Rap, je crois. Il était passé dans ton Planète Rap, non ? Ouais, bah ouais, obligé. Il a fait pas mal de titres sur mon album. Donc voilà, et puis c'est un mec avec qui je m'entends super bien. Il est très très chaud dans, les, dans le délire Peura aussi. Donc voilà, hein, c'était logique qu'il participe à cette mixtape quoi. Bon, est-ce que t'es bien en ce moment le fait? Est-ce que tu vas pas repartir et on va plus t'entendre pendant un moment? Est-ce que ouais, c'est... Non, je suis bien, je suis bien. Tu dis ça parce que j'ai dit dans Fierté, ouais. Dans quelques temps je redécolle. Ouais, c'est ça. C'est ce qui m'a inquiété dans le morceau que j'ai écouté à l'instant de Fierté. Bah écoute, dans quelques temps je redécolle parce que je crois qu'il y a une tournée qui va se mettre en place. Donc je vais être contraint de décoller. Décoller? Ouais, mais tranquille, je suis là. Mais réatterrir après. Réatterrir au calme, ouais. On va saluer ceux qui viennent de nous rejoindre aussi dans le studio. Il y a Mr. Franglish. Bon, Mr. Franglish. Qui est ton binôme, hein, j'ai envie de dire aussi, qui est souvent présent. Qui souvent est là, présent, qui scène. M'accompagne ouais, sur scène. Mm-hmm. Donc voilà. Et Dadju ouais, qui vient de nous rejoindre aussi, qu'on salue. Dadju, Prince Dadj, excuse-moi, il faut l'appeler Prince Dadj ah, maintenant. C'est Prince Dadj. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, depuis quand? Depuis que tu as été anobli. On vient de me surnommer Prince Dadj. Ah, bah écoute, bienvenue Prince. Merci, c'est gentil. Tout se passe bien ? Ouais, tout se passe dans le calme. On est toujours en train de bosser, charbonner. Donc ça bosse dur. Constamment. Fringlish, toi, il te faut t'appeler aussi. Il y a une tournure à trouver, non ? Non, je m'appelle Fringlish ou tu m'appelles Glish. Sa majesté, un truc, non ? Ça, je m'appelle Fringlish ou tu m'appelles Glish, tout simplement. Ouais. Mais toi, il y a un surnom, il y a un truc ? Non, c'est pour savoir si toi, Fredo, c'est ça a changé. Frédérico. J'ai le droit à tout, c'est à l'ancienne. Freddy. Il y en a quelques-uns qui circulent que j'essaye définitivement de faire interdire, mais j'arrive pas. Bon bah bienvenue à vous deux en tout cas. Il y a d'autres invités qui vont nous rejoindre aussi en cours d'émission. Il y aura du live avec des surprises aussi tout à l'heure. Ouais. On repart sur quel morceau de la tape qu'est-ce que tu as envie de balancer maintenant? Bah écoute, je crois qu'on va continuer dans l'ordre, hein, tout simplement. Alors, professionnel. Professionnel. Yeah. Grosse dédicace à l'artiste. C'est lui qui a fait la prod de professionnel, puisque voilà, l'artiste est aussi un compositeur. Ouais. Donc voilà, c'est un mec que j'ai rencontré en 2015, ouais. On s'est rencontré au Maroc. Et franchement, le feeling est pas assez direct. Humainement, c'est bien entendu tout ça. Donc voilà, on a eu envie de faire du son ensemble. D'ailleurs, j'ai été invité sur son album aussi. On a fait un titre qui s'appelait J'arrive pas. Il s'appelle J'arrive pas. Et voilà, hein, donc je voulais le big up. Voilà, l'artiste à la prod, professionnel. Grosse dédicace aussi à mon gars sur IDR de la Street Zer. Yeah, yeah. Le Fa au contrôle de la nocturne, c'est dans les bacs gratos. Négro professionnel. Mon TMCP. Ce truc. Négro professionnel. TMCP. Yeah, yeah. Ovationné par le public ou pas, je reste professionnel. Fais-moi sonner. J'arrive dans l'heure avec IDR, négro professionnel. On ne s'improvise pas gros bonnet. Non. Même en criant monnaie, monnaie. Fais-moi sonner. Négro professionnel. Quand tu donnes ta parole. Elle ne t'appartient plus. Non. T'as fait des menaces, t'as fait des promesses. Sache que les petits t'ont cru. Ne vante rien. Dis-nous ce que t'as vécu. Tu brandis des trophées. Dis-nous qui tu as vaincu. C'est bien beau de faire des dribbles à la Lucas, mais quand tu tires, tâche de viser la lucarne. C'est bien beau de faire des grands discours, mais quand il faut mettre les mains dans le cambouis, tu es plus calme. T'as plein de choses à dire, mais bizarrement, je t'ai rarement vu les dire en face. Ouais, c'est bien beau de faire des dribbles à l'entraînement, mais le génie, c'est celui qui les ressort en match. Ovationné par le public ou pas, je reste professionnel. Fais-moi sonner. J'arrive dans l'heure avec IDR, des gros professionnels. Yeah. On ne s'improvise pas gros bonnet. Même en criant monnaie, monnaie. Fais-moi sonner. Des gros professionnels. Ovationné par le public ou pas, je reste professionnel. Fais-moi sonner. J'arrive dans l'heure avec IDR, des gros professionnels. On ne s'improvise pas gros bonnet. Même en criant monnaie, monnaie. Fais-moi sonner. Des gros professionnels. J'entends pas. Des gros professionnels. Fringlish est dans la maison. Négro professionnel. Yeah, yeah, yeah, yeah. Grosse dédicace à mon binôme IDR. Wouh! Wouh! Wouh! Yeah, yeah, yeah, yeah. Tu rêves de Grand Palace. Grand Palace. Grand Palace au bord de l'Appalache. L'Appalache. Laisse ça, mon petit, tu n'as pas l'âge. Laisse tomber. Tu viens de sortir de ton emballage. Laisse tomber. Faut pas plonger si tu ne sais pas nager. Laisse tomber. T'as rien à faire ici, déménage. Laisse tomber. À côté de moi, non, tu ne peux pas marcher. Autrement dit, petit, y'a pas match. Ah, parler, y'a des choses qu'on ne peut pas réparer. Pardon petit, va te barricader. Ce qui va se passer là, faut pas regarder. Pas regarder, faut pas regarder. Monte dans ta chambre parce que ça va barder. Si t'as la pêche, tu vas pas la garder. Si t'as la pêche, tu vas pas la garder. Parce que j'avais pas le seum, mais ça va pas tarder. Si je démarre, tu pourras pas me rattraper. Je vais bombarder, tu vas rétrograder. Je vais bombarder, tu vas rétrograder. Parce que même au taquet, tu peux pas me tacler. Si je te réponds pas, faut pas me rappeler. Si je te réponds pas, faut pas me rappeler. Je t'ai déjà dit que j'allais pas t'apprendre à rapper. Jamais. Tu rêves de Grand Palace. Grand Palace. Grand Palace au bord de l'Appalache. L'Appalache. Laisse ça, mon petit, tu n'as pas l'âge. Laisse tomber. Tu viens de sortir de ton emballage. Laisse tomber. Faut pas plonger si tu ne sais pas nager. Laisse tomber. T'as rien à faire ici, déménage. Laisse tomber. À côté de moi, non, tu ne peux pas marcher. Non. Autrement dit, petit, y'a pas match. Je n'ai pas besoin d'en faire trop. J'ai regardé dans le rétro. Yeah. Il ils sont à des kilomètres. Oh, oh, oh, oh. Et tous mes soldats sont au garde à vous. À vous. Es-tu sûr de vouloir partager le plat d'un loup? Yeah, yeah. Ne la sors pas du caleçon si c'est pour bander mou. Ouh. Tu peux rester au vestiaire, y'a pas match entre nous. Y'a pas match, y'a pas match. Tu rêves de grand palace. Grand palace. Grand palace au bord de la palage. La palage. Laisse ça mon petit, tu n'as pas l'âge. Laisse tomber. Tu viens de sortir de ton emballage. Laisse tomber. Faut pas plonger si tu ne sais pas nager. Laisse tomber. T'as rien à faire ici, déménage. Laisse tomber. À côté de moi, non, tu ne peux pas marcher. Laisse tomber. Autrement, tu petit, y'a pas match. Y'a pas match. Wow. Je n'ai pas besoin d'en faire trop. Wow. Jamais. J'ai regardé dans le rétro. Wow. Yeah. Ils sont à des kilomètres. Wow. Autrement dit, petit, y'a pas match. Hey. Y'a pas match. En direct de la nocturne, on prend le contrôle de ce truc. La mixtape TMCP est dispo en streaming. Partout. TMCP, Y'a pas match. Ah, vous allez vous régaler avec la tape. Hein. Ouais. C'est fou de l'avoir fait gratos en fait. Mais c'est ça, il faut savoir donner aussi, tu vois. Et puis comme je te disais, l'album, voilà, l'album il a bien marché, donc il faut savoir donner. Voilà, c'est vrai que l'album. Quel recul tu as sur l'album maintenant, comme c'est passé, ce que t'as. Parce que tu revenais après une longue absence, etc. Ouais. Donc d'arriver en solo, etc. Mm-hmm. Les gens ont été réceptifs, évidemment. De fou. Toi, tu l'as vécu comment avec maintenant le recul? Parce que l'album est sorti, les disques d'or, donc ça va forcément un petit peu mieux. Ouais. Je pense qu'il y a toujours une inquiétude de dire merde, après cette absence, est-ce que j'ai toujours le truc? Est-ce que... Ouais, clair. Bah, en fait, c'est vrai que bon, quand tu travailles sur un projet pendant des mois et tout ça, à l'approche de la sortie, il y a toujours un peu de pression et tout. Mais bon, moi, je savais qu'il y avait une fanbase qui était là et qui m'attendait. Parce que je recevais pas mal de messages, tu vois. Donc je savais déjà qu'il y avait une petite fanbase quoi, qui était là et qui m'attendait. Ah bah oui, ouais. Une sacrée fanbase. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je recevais des membres de la section, c'était mais le fa, ouais, c'est bien le fa. Restez branchés. Voilà, c'était rester branché. Donc voilà, les gens sont restés branchés. L'album est sorti et puis voilà, il a été très bien accueilli. Il a bien marché, comme je te disais, ouais, j'ai pu tourner tout ça un peu partout dans la France, même un peu à l'étranger. Enfin, tu sais, Suisse, Belgique, Sénégal. J'ai eu l'occasion de faire un concert au Sénégal, justement, avec Frenglish. Bah, c'est là-bas qu'on a clippé. Ouais, c'était full. Et puis, on en a profité pour clipper Y'a pas match. Y'a pas match. On vient d'écouter. Voilà, on l'a clippé là-bas au Sénégal. Ouais, bête d'ambiance et tout. Les gens étaient là au rendez-vous. C'était le feu. Donc ouais franchement et donc puis, le comme, bilan est positif le quoi. Bilan est positif et puis ce disque d'or il vient voilà justement confirmer ce bilan qui est positif et voilà moi ça me donne envie d'envoyer même gratuit tu vois donner du son c'est une façon de remercier aussi les gens quoi. Bon il y en a encore beaucoup d'autres ou pas des tapes de prévu ou bah écoute t'en as mis de côté encore ou pas le je sais pas si tu te souviens mais avec Section on avait l'habitude de sortir une petite tape avant l'album ouais voilà avant l'album. Donc je pense que je vais rester sur cette façon de travailler. Sur cette idée ouais. Moi ça me permet de varier un peu les styles. Tu vois les albums c'est vrai que j'essaye de faire d'aller dans des sonorités un peu plus larges et tout. Essayer de toucher un maximum de gens tu vois dans mes thèmes et tout ça. Et dans les mixtapes je peux me lâcher. Je sais que je m'adresse à un public d'initiés de, tu vois des auditeurs rap vraiment. Donc je peux envoyer toutes sortes de flows. Toutes sortes de dingueries. De dingueries tu vois de techniques de, je sais que bon les gens à qui je parle ils vont me comprendre tu vois. On a salué on l'a dit Dadju, Prince Dadju pardon qui est là. Il y a Mr. Franglish qui est là et un autre arrivant aussi. Il y a un guest dans les qui studios, arrivé. Un guest. Donc yeah, ça veut dire que le live sera là tout à l'heure. Gros live. Avec comment tu le présenterais d'ailleurs? Bah écoute, c'est vrai qu'on dit toujours révélation, rookie, machin, voilà, etc. Mais je dirais tout simplement un jeune artiste qui arrive, qui a un gros potentiel que je surveille déjà depuis un petit moment. Mmh. Donc voilà, hein, il fait ses trucs, il envoie ses sons. C'est le Nine. Le Nine qui est là, ça va bien le Nine. Ouais. Bienvenue dans cette nocturne avec le Fa en pleine forme. Ouais. Bon, toi, tu l'as vu grandir, il est très grand maintenant, le Nine. Hein, mais tu il l'as est vu. Très long, et bah, ils sont tous très longs. Moi, je sais pas ce qu'ils ont bouffé, ces gens-là. Je sais pas. Eux, les vaccins qu'ils ont pris quand ils étaient petits, là, c'est pas les mêmes que les nôtres, je crois. C'est quoi? Qu'est-ce que vous laissiez, là, dans le square à l'époque, là, dans le 9e, quand vous traîniez là-bas et tout? Vous laissiez un truc? Ils sont tous grands, ils sont longs, comme tu dis. Je te jure, ouais, leur génération, je sais pas, il y a eu un bug, mon frère. Il y a eu un bug, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? C'est les vaccins, laisse tomber. Il s'agit de produits laitiers, en fait. Ouais, c'est... Donc, toi, ouais, tu fais donc partie des grands maintenant, la ouais, fin. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et à partir de quel moment t'as senti un vrai potentiel chez le Nye ou chez Frank Glish ou voilà, chez les gens qui sont autour de toi et que t'as invité sur la tape? Bah écoute, le Nye, ça fait déjà un petit moment qu'il balance des trucs et tout sur YouTube. Et moi, bah, j'ai commencé à regarder, ça faisait. Ouais, il avait déjà balancé quelques trucs, 4-5 trucs et tout. Donc voilà, j'ai commencé à regarder, j'ai senti le potentiel. Donc j'ai laissé avancer un peu de son côté, travailler, tout ça, je surveillais. Et puis bah, je sais pas si tu te souviens, il était venu à mon Planète Rap, je l'avais présenté déjà. Voilà, il m'avait offert un beau pull, fais ton bénef, que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc voilà, à cette époque-là déjà, j'avais annoncé que je l'inviterais sur un TMCP. Donc voilà, c'est chose faite. Bon, et toi, le Nine, quelle image t'as de Lefa et du parcours qu'il a pu faire, soit en solo, soit avec la section? Il est très très très très chaud. Bon, tu sors quoi, toi, le Nine? Il y a des trucs, on peut te mater, on peut te suivre quelque part pour les gens qui vont te découvrir aussi ce soir dans la nocturne? Ouais, là, bientôt, là, je vais sortir quelques sons, là. Je suis sur mon EP, gratuit. Et voilà. C'est quoi ta chaîne Vevo, enfin ta chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, c'est le Nine officiel. Le Nine, N-I-N-E. Ouais. Officiel. Yeah, yeah. Et vous allez cliquer, le Nine, on le retrouvera aussi en live, donc sur un extrait de la tape que vous nous ferez en live tout à l'heure. Ouais, là, ouais. On repart sur Ça va mal terminer. Non? Ça va mal terminer. C'est bon, hein? Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Tu fais trop d'allers-retours, choisis ton temps. On ne s'improvise pas, you. Fais pas semblant. Fais pas de cinéma si tu veux garder tes dents. Garder tes dents. Tous les masques tombent avec le temps. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. T'es pas déterminé. Traîne pas dans le périmètre. Le terrain est terminé. Si tu veux pas mouiller le maillot, reste pas là, gros, ça va dérouler. Tu vas te faire dérouiller, personne va t'aider, va falloir te débrouiller. Personne. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. L'ambiance est périmée. L'ambiance est périmée. C'est tellement la jungle que les potos se font soigner chez le vétérinaire. Démarrage en côte. Avec, tu montes sur les côtes. Face, ça joue le contre. Course contre la montre. Choisis ton camp, choisis ton camp. S'improvise pas, you. Fais pas semblant, fais pas semblant. Fais pas de cinéma si tu veux garder tes dents. Garder tes dents. Tous les masques tombent avec le temps. Yeah, yeah, yeah. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Pour des bails de kilo, tu montes sur des coups, tu vas au culot. Ça s'oublie pas, ça c'est comme le vélo. Mais trop de gens te cherchent, tu dors au délo. Ça va mal terminer, ça va mal terminer. Sans que tu puisses dire à ta côté kilo. C'est beaucoup trop périlleux, beaucoup trop d'envieux. Tu vas retourner manger des pélos. Les keufs surveillent toutes tes conversations. Tu multiplies les convocations. Tu t'es trompé de vocation, ouais, fais demi-tour dès que t'en auras l'occasion. Ça va mal terminer, vaut mieux trancher. Négro, des fois dans la vie faut trancher. T'as le choix, tu peux débrancher ou vivre en danger pour manger du placard ou fuir à l'étranger. Ça va mal terminer, ça va mal terminer. C'est pas déterminé, l'ambiance est périmée. Reste pas dans le périmètre, tu vas t'y périmer. Tu vas rappeler que des faux numéros. Histoire de terrain, tu crois tenir les rênes, gros voyou sur les rangs. Je pense pas que tu comprennes dans quel genre de merde tu t'es fourré. Les mecs vont te fumer sans cœur entre deux apéros. Bing! Bing, bing, bing. Tu fais trop d'allers-retours, choisis ton camp. Choisis ton camp. S'improvise pas, you. Fais pas semblant. Fais pas semblant. Fais pas de cinéma si tu veux garder tes dents. Garde tes dents. Tous les masques tombent avec le temps. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Ça va mal terminer. Tu me connais pas? Non, non, non. Scalabrod. Scalabrod. Il est R. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. Oh là là. Oh là là. Ok. Yeah. Yeah. Oh là là. Monsieur Fall. Monsieur Fall. Disque d'or. Yeah. tu me connais pas. Tu connais pas. Scala Pod. Tu me connais pas. Tu le connais toujours pas. Non, non, non, non, non, non. Yeah. Yeah. Tu veux du rap, sache que ceci est un entraînement. Je vais t'expliquer tranquillement. Mon flow est un instrument qui défie tout concurrent. Rattrape-moi si tu peux. Je pense que tu es un type. Je pense que tu es un type bleu. Je pense que tu es une cible. Ceci est un entraînement. Ceci est un entraînement. Mon flow est un instrument. Ceci est un entraînement. Rattrape-moi si tu peux. Je pense que tu es un type. Je pense que tu es un type bleu. Je pense que tu es une cible. Pour être sûr de blesser personne, je vais commencer doucement, je vais y aller tout doux. Si tu veux tenir mon grand, il va falloir apprendre à encaisser les coups. Aussi loin que je me souvienne, on a toujours marché en meute comme des loups. Obligé d'imposer sa griffe pour ne pas rejoindre le troupeau des moutons. Au cœur de Paname, t'étais pas là, t'étais pas né. On faisait du sale, section d'assaut, Rumilton, j'oublierai jamais. Formé pour être les meilleurs. Certains rappeurs préféraient qu'on meure. D'autres sont des fans de la première heure, on a gentiment braqué le game sans meurtre. Ceci est un entraînement. Je vais t'expliquer tranquillement. Mon flow est un instrument. Qui défie tout concurrent. Rattrape-moi si tu peux. Je pense que tu es un type. Je pense que tu es un type bleu. Je pense que tu es une cible. Ceci est un entraînement. Ceci est un entraînement. Mon flow est un instrument. Ceci est un entraînement. Rattrape-moi si tu peux. Je pense que tu es un type. Je pense que tu es un type bleu. Je pense que tu es une cible. T'en fais des tonnes, mais tu n'as pas la méthode. Il en faudra plus pour nous étonner. Tu donnes du McDonald's à des chefs étoilés. Si c'est ta toile. Fais le sang finir à poil. Jamais. Ici c'est la toine. Tu ne passeras pas si tu n'es pas un poil. Jamais. Devant depuis des années. Tellement d'avance que ça devient gênant. La concurrence pour le petit déjeuner. Non merci, j'en ai déjà trop gênant. Petit pas pour moi, mais pour le peurat c'est des pas de gênant. C'est bizarre, mais j'ai le pressentiment qu'il me préférait quand j'étais gérant. Ceci est un entraînement. Je vais t'expliquer tranquillement. Mon flow est un instrument qui défie tout concurrent. Rattrape-moi si tu peux. Je pense que tu es un type. Je pense que tu es un type. Je pense que tu es une cible. Ceci est un entraînement. Ceci est un entraînement. Mon flow est un instrument. Ceci est un entraînement. Rattrape-moi si tu peux. Je pense que tu es un type. Je pense que tu es un type bleu. Je pense que tu es une cible. Je vais t'expliquer tranquillement. Monsieur Fass. Mon flow est un instrument qui défie tout concurrent. Rattrape-moi si tu peux. Essaye. Je pense que tu es un type petit. Je pense que tu es un type bleu. Je pense que tu es une cible. Ceci est un entraînement. Ceci est un entraînement. T'as pas compris. Ceci est un entraînement. Ceci est un entraînement. Monsieur Faz. Ceci est un entraînement. Ceci la mixtape arrive. Elle est même arrivée, hein. Elle est déjà arrivée. Elle est là, la tape. Elle est là depuis aujourd'hui, en streaming, partout. Allez la télécharger tout ce week-end, allez-y. Télécharger ce truc. Va chercher cet entraînement. Moi j'aime bien celle-ci, hein. Ceci est un entraînement. Ah, il est sale. Ah, celui-ci, ouais. Il est né comment? J'ai l'impression en même temps que c'est un délire entre vous quand je vous vois en plus. Ouais, non, mais ils sont bons pour s'adapter. Mais non, bah c'est vrai qu'ils aiment bien ce son, donc ils ont l'habitude de s'enjailler dessus. Ouais, c'est un son qui est né. Moi, si tu veux, je devais faire un petit son pour Bouscapé. Donc voilà, grosse dédicace à mon gars Fif. Voilà, monsieur Ba. Et voilà, je leur avais préparé ce petit truc. Donc voilà, on avait fait même une petite vidéo. Vous pouvez la retrouver sur Bouscapé, sur leur chaîne Vevo aussi. Et voilà, bah comme les gens, ils ont vraiment aimé le délire et tout, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas leur mettre dans la mixtape, quoi, tout simplement. Ceci est un entraînement. Un entraînement. Chouffle-en. Je vais t'expliquer tranquillement, toi. Ceci est un entraînement. Dans le calme. Et je rappelle que la tape, elle est dispo gratos. Vous la téléchargez, le file est là avec nous. C'est lui qui a pris le contrôle de la nocturne. Il y aura du live d'ici quelques minutes. Ouais. Avec déjà monsieur le Nine qui vient de nous rejoindre. Ouais. Et un autre invité. Un autre invité qui n'est pas encore arrivé. Il nous a dit qu'il était en bagnole, qu'il arrivait. Il arrive, il va arriver, il va tomber à pic. Il a dit, ouais, j'écoute la nocturne, faut que je passe absolument. Ah oui, quand en même. Plus, je suis sur la tape et tout. Attends, quand même. Il arrive dans un instant, mais juste avant, on part sur une session avec un morceau qui s'appelle Kiss Me. Alors Kiss Me, le clip est sorti aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est un morceau que j'aime tout particulièrement parce que... il correspond, on va dire, à une époque, tu vois, dans le style, dans le flow, dans la manière de kicker, tout ça. Ouais. Il correspond à l'époque, mixtape, tu vois, les mixtapes qu'on a pu faire avec la section, comme les chroniques et tout ça, même pour vraiment ceux qui suivent depuis le début, tu sais, la terre du milieu. La terre du milieu, la fameuse terre du milieu. Voilà, j'ai ressorti les, les encyclopédies, les ancêtres, les trucs de ouf de l'ancienne. Mais voilà, donc ce morceau-là, c'est pour ça qu'il me tient à cœur, c'est parce que c'est un beau clin d'œil à cette époque-là. Ouais. D'ailleurs, dans le Peucli, j'ai remis la casquette. Ouais. Donc petit clin d'œil. La casquette est de sortie de nouveau. La casquette est de sortie, ça veut dire là, je mets la casquette, ça va kicker. Donc voilà, allez voir le clip, il est sorti à 18h, il est sur ma chaîne Vevo. Ouais. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ouais. Le morceau, c'est Kiss Me. Kiss Me. Le Fa au contrôle de la nocturne. Ouais, viens me faire un bisou. Ouais. Ouh. Viens me faire un bisou. Je connais pas. Viens me faire un bisou. Sors. Ouais. Ok, je vous invite, je fais une bouffe. Devine ce qu'il y a au menu du MC, les pauvres. Je vais même pas laisser les os, non. Arrête ton sinoche, ici c'est la réalité. T'es pas prêt, tu fais pas le poids, va falloir te faire à l'idée. Même maquillé comme à l'idée, ton rap n'est pas validé. Faut tout simplement que t'arrêtes, finalité, falta niquer. J'ai plié des milliers de billets, ouais, multiplié les zéros sans avoir à me déshabiller. Négro, je sais qu'ils sont pas haut, pardon, c'est pas marrant, mais quand même. Les mecs brassent, je suis en catamaran. Wow. Va falloir vous réveiller, vous mettre au boulot. Vous avez la tête sous l'eau, puis vous saoulez, papa Bruno. Moi, j'ai trop vu ma tête dans les magazines. Maintenant, pour esquiver les flashs, faut être un Yamakasi. Ok, flow phénoménal. Faut vous remettre à l'heure. Fun, l'hôpital. Gros, je vais commettre un meurtre. Je préfère vous aviser. Là, j'arrive en mode déguisé. Le silencieux est bien vissé. C'est pas les jambes que je vais viser. T'aimerais que je dise des bêtises, mais manque de peau, c'est pas le Walt Disney. Pourtant, je suis mignon comme tout. Yes, baby, kiss me, je suis un tiss. Baby, kiss me, je suis un tiss. Ouais, viens me faire un bisou. Il te reste une couille, pose là. À qui tu crois que tu causes là? Eh gros, moi j'ai commencé à l'époque des survêtements costa. Arrête d'abuser, ouais. Arrête de faire le mec busy. Arrête de poser, négro t'es nul, j'te bousille. Donne un flingue, un coussin. Je vais faire disparaître le game avec une seule balle. Qui rappe tous pareil, je te jure, ils savent pas kicker. Pas foutu de s'appliquer sur YouTube. J'ai fait le tour, je sais même plus sur quoi cliquer. Ça fait peur, y'a de quoi paniquer. Si je réunis la section, ce sera le Real de Madrid contre l'équipe amique. Négro, je vais te monter en l'air tout court. Tu vas perdre ton courage et tes molaires. Je vais te couper la jugulaire, donc cours. T'as flopé, normal, j'ai pas tout checké. La prochaine fois, tu me laisses faire, tu me laisses y mettre ma patte. Je vais te choquer, poto, les tourner les showcases. Oh, ça m'a fatigué. Question, j'ai transpiré dans combien de t-shirts toi tibé. Bref, t'as pas mon parcours, mon expérience. T'es sûr que tu veux me suivre, tu vas sûrement perdre d'uance. Je préfère vous aviser, là j'arrive en mode déguisé. Le silencieux est bien vissé, c'est pas les gens que je vais viser. T'aimerais que je dise des bêtises, mais manque de peau, c'est pas le Walt Disney. Pourtant, je suis mignon comme tout. Yes, baby, kiss me, je suis un tismé. Baby kiss me, je suis un tiss. Je suis un tiss, mais. Kiss me, j'ai la peau douce. Ouais. Baby kiss me, je suis un tiss. Ouais, ouais, ouais. Kiss me, je suis un tiss, ouais. Pardon, mais j'enregistre donc. Ferme ta gueule, genre 10 secondes. Dis à ceux qui m'ont négligé, qui se trompent. J'suis pas du genre à faire dans le disque. Ok, j'enregistre, j'vais kicker, j'vais piquer des gens. Les disques de platine s'empilent dans ma chambre. J'hésite encore, est-ce que j'vais viser les jambes? Et dire qu'il y a pas si longtemps, j'cirais le sol. Les mecs, il va falloir apprendre à rester tranquille. Nous sommes les profs et vous êtes les apprentis. Merde, le Samsung commence à peser 100 kills. Sûrement à cause des punchs qui s'y empilent. J'préfère vous aviser. Là j'arrive en mode déguisé. Le silencieux est bien vissé. C'est pas les jambes que je vais viser. T'aimerais que je dise des bêtises, mais manque de peau, c'est pas le Walt Disney. Pourtant je suis mignon comme tout. Yes baby kiss me, je suis un tiss. Mais baby kiss me, je suis un tiss. Kiss me, je suis un tiss. Ouais, viens me faire un bisou. Baby kiss me, je suis un tiss. Ouais, viens me faire un bisou. Kiss me, je suis un tiss. Ouais, viens me faire un bisou. Ouais, viens me faire un bisou. Yeah, yeah. Le morceau pareil est fou, il s'appelle Kiss Me, le clip est dispo hein. Le clip est dispo depuis 18h sur ma chaîne Vevo. Allez cliquez, cliquez, cliquez fort. Ouais. On va essayer d'aller chercher le million de vues là sur ce clip. Bon le Fa, juste avant de passer au live dans un instant. Bon on peut le dire, celui qui va nous rejoindre c'est Dry hein. Il est présent aussi yeah, on l'attend d'une minute à l'autre. Le Nine est déjà là. Un petit dernier mot, on finit avec un dernier morceau extrait de la tape, c'est le morceau Sac à dos. Sac à dos, ouais, exact. Ouf. Ça c'est mon son ça. C'était quoi ce fou? C'est mon son ça. C'est vrai? Ouais. C'est le tien celui-ci. Il n'y en a qu'un à choisir, c'est celui-ci. Franchement, non, je veux dire la mixtape en vrai. Ah ouais. Mais mon son préféré c'est celui-là. Et Kiss celui-ci. Me. Bon celui-ci, un petit mot sur celui-ci, le Fa, Sac à dos avant de le balancer. Ouais, Sac à dos, c'est un son que j'ai fait avec Danny Sinté. Le célèbre Danny Sinté. Voilà. Et je l'ai fait à l'époque où on a fait Dernier Arrêt. Voilà, on avait aussi fait ce son-là, donc il était là, il traînait dans mes tiroirs, j'avais envie de le balancer. Donc on l'a rebossé un peu, on l'a remis un peu au goût du jour, on va dire. Et voilà, hein, c'est un morceau qui parle des forceurs un peu. Donc voilà, Sac à dos, c'est pour dire, voilà, en gros, t'es sur nos côtes comme un sac à dos, quoi, tu forces. Allez, c'est parti. On s'écoute ça au calme. La tape, le Fa. Ouh. connais pas. Yeah, yeah. Ah, tu fais chier. Tu fais chier, boy. Ah, tu fais chier, gros, t'es pire qu'un sac à dos. Bloqué, bloqué, bloqué sur nous, va sur quelqu'un d'autre. Tu forces, forces, forces, t'inventes même des souvenirs. La vérité, c'est que de loin t'as senti les souvenirs. Et puis tu dis oui à tout, t'as plus de personnalité. Pour rentrer dans notre groupe, tu changes de nationalité. Mais calme-toi, on est que des hommes. Si t'es sincère, on fera des sommes. Mais t'es trop fou et ça se sent dans toute la pièce. Ça nous met mal à l'aise. Tu supportes pas qu'on traite comme un caniche, mais tu t'en la laisses. Et tu parles, parles sur les gens, tu ronges jusqu'à l'os. Arrête de bomber le torse, négro, tout le monde sait que tu forces. Arrête d'être faux. À force de jouer des rôles, tu sais plus qui t'es. T'es prêt à tout pour être validé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce visage maquillé? Arrête d'être faux. À force de jouer des rôles, tu sais plus guider. T'es prêt à tout pour être validé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce visage maquillé? Ta peau t'asperger de parfum, meuf, tu pues l'opportuniste. Efface, efface mon nom si tu l'as mis sur ta liste. Grimper, grimper, grimper, tu descends même les collègues. À la pause café, tu creuses, creuses pour mieux les connaître. Ouais, t'es sur les côtes d'un mec, il te faut ses coordonnées. Pas question d'abandonner, même s'il te claque à porte au nez. Et tu forces, forces, forces comme jamais t'es cramponné. Ouais, tu forces, forces, forces car tu sais que c'est un gros bonnet. Maintenant tu traites tes copines comme des animaux de compagnie. Mais t'es condamné, dans quelques mois tu n'auras plus aucune amie. Ouais, t'as bloqué, bloqué sur lui, t'as cru que c'était pour la vie. Mais t'as tellement forcé, forcé, forcé qu'il a pris la fuite. Arrête d'être faux. À force de jouer des rôles, tu sais plus qui t'es. T'es prêt à tout pour être validé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce visage maquillé? Arrête d'être faux. Arrête d'être faux. À force de jouer des rôles, tu sais plus qui t'es. T'es prêt à tout pour être validé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce visage maquillé? Arrête ton cinéma, ouais tout le monde te connaît. Ton masque est tombé, je ne suis même pas étonné. Négro, pourquoi tu forces, forces, forces, forces? Ouais, tu forces. Ouais, tu forces, forces, forces, forces. Merci, mais je sais qui m'a épaulé. Je sais qui est qui, je sais à qui donner. Négro, pourquoi tu forces, forces, forces, forces? Ouais, tu forces. Ouais, tu forces, forces, forces, forces. Arrête d'être fort. À force de jouer des rôles, tu sais plus qui t'es. T'es prêt à tout pour être validé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce visage maquillé? Arrête d'être faux. À force de jouer des rôles, tu sais plus qui t'es. T'es prêt à tout pour être validé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce visage maquillé? C'est la Nocturne, c'est 100% rap français. Et depuis tout à l'heure, on vous fait découvrir donc ce projet qui est dispo, gratos, partout. Yeah, yeah. Hein, le fin, on peut le trouver, on peut aller cliquer. Exactement, dispo sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà, Spotify, Deezer, c'est Apple Music. C'est un beau cadeau quand même, hein, parce que là, on a écouté les morceaux, on a écouté l'intégralité de la tape. Yes. Ça va hein, quand même. Ouais, bah écoute, ça va. Tu t'es fait plaisir, tu t'es fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Et puis, comme je le disais, tu vois, c'est les TMCP. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, en fait, serait dommage, ce serait bien de les avoir en streaming. Donc voilà, c'était le but, réunir un peu tous ces épisodes, rajouter quelques inédits et voilà quoi. Et bonus, cerise sur le ghetto ou sur le gâteau, ça dépend. Ouais. Il vient d'arriver, ça dépend d'où on se situe. On vous le disait, il y a Dadju qui est dans le coin, il y a Mr. Franglish qui est là aussi avec nous et une arrivée, pas des moindres. Hein. Pas des moindres. Pas des moindres. Monsieur DRY Dry est là avec nous. Hey, Fred, ça va ou quoi? Et toi? Au calme. T'étais au calme. Où dans la bagnole, tranquille? Ouais, je posé à la maison. Paname, tu connais? Les baroudeurs de ghetto. En train d'écouter les nocturnes, tu t'es dit. Un gars de la night. Ah là, j'ai dit. Franchement, j'écoutais tout ça. Après, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Pas loin de Sky, c'est pas possible. Il y a mes gavas, ils sont là-bas. Bon, ça roule. Passer, vite fait. Ça roule, il n'y a pas de bouffe. On est hal. Bon, est-ce que vous êtes prêts? On va attaquer le live tout de suite. Ah, live direct là. Bah attends. À moins Drake, que tu as envie de rappeler, tu as raison, quelque chose. Parce qu'il y a la pièce qui arrive aussi le 12 octobre au cinéma. Si. Ça, c'est la grosse actu. Ça, c'est la grosse actu aussi. Mm-hmm. Où vous retrouverez Drake qui joue un rôle cool. À la perfection. Quel acteur. Aïe. Quel acteur. Quel acteur. Allez voir le film, surtout. Quel acteur. Et bah alors, on peut y aller maintenant. Si vous êtes prêts, c'est parti. Session live dans l'émission. Yeah. Le Fa Drake. On est en guerre. Yeah. Yeah. Tu Négro, on est en guerre, en guerre, on est en guerre. L'histoire recommence, l'histoire recommence. Ah, t'es pas derrière nous, ah, t'es pas derrière nous. Ok, ok, t'es comme as, hein. Divisé pour mieux régner, divisé, divisé. Grand classé, grand classé. Et si c'était la Zig qui nous divisait, divisait. J'aurais dit fuck la Zig, mais c'est pas la Zig boy, c'est pas la Zig boy. C'est les gens, c'est les gens, c'est les gens. Les gens inventent des légendes et les gens. Ah, les gens peuvent être très méchants, très méchants. La bouche c'est dangereux, ferme ta gueule. Mais tout le monde en a une, petite ou grande c'est dangereux. Ouais c'est caché que vivent les gens heureux. Tout le monde change, tout le monde. Mais y'a des choses qui ne bougent pas. À part si les balles pleuvent, reste debout même quand on te dit couche-toi. Bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, bagarre, bagarre. Pour être numéro uno faut se bagarrer. Si tu tournes en rond c'est que t'es pas carré. Saccager, saccager, saccager. On veut tout saccager, saccager, saccager, saccager sans se cacher, assaisonner, se cacher, plus jamais se déplacer sans cacher. Couronné, couronné, couronné, couronné. Ils veulent tous être couronnés, couronné, couronné. Prêt à tout donner, mais la couronne est trop lourde pour leur coude. Nous on est. Parle pas chinois, boy. Non. Disque d'or, premier album. C'est le couleur fond dans la caisse d'air. Ouais, ouais, c'est du sale, boy. Ouais, c'est du sale, boy. Ne pleure pas, ma belle. Non, non, pas. Non, je veux pas te faire de la peine. Non. On est en guerre, on est en guerre, ouais. Guerre, on est en guerre. Obligé de répondre à l'appel. De l'aide, nous, on demande pas. Notre empire, on le fera nous-mêmes. Des terres, on plaisante pas. Ouais, notre empire, on le fera nous-mêmes. Les anciens, les nouveaux négros validés à l'unanimité. Le niveau n'est pas limité. Non, tu peux pas limiter. On est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, paniqué, paniqué, à la vue de ma mafia, paniqué. À l'époque rare, c'est ce qu'on a paniqué. C'est pour les braves dont les yeux ne sont pas ridés. Non, fatigué. C'est vrai que le game, on l'a fatigué. Crime verbal, mec, non, t'as pas idée. C'est pas les bouffons de la cité qui m'ont validé. Nous, on émerge des sous-sols. Sous-sols, sous-sols. Trois derrière, près des sommets. Sommets, sommets. Les jambes dans le zoubo. Ouais, ouais. C'est du sale, mec. Sale, mec. De l'aide, nous, on demande pas. Non. Notre empire, on le fera nous-mêmes. Fera nous-mêmes. Des terres, on plaisante pas. Non. Ouais, notre empire, on le fera nous-mêmes. Les anciens, les nouveaux négros validés à l'unanimité. Le niveau n'est pas limité. Non, tu peux pas limiter. On est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre. Les anciens, les nouveaux négros validés à l'unanimité. Le niveau n'est pas limité. Non, tu peux pas limiter. On est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre. On est en guerre, boy. On est en guerre, on est en guerre. BRY, mesdames et messieurs. On est en guerre. Yeah, yeah, yeah, yeah. La mixtape toujours dispo, elle vient de sortir. Mange-toi ça. Ouais, ouais. Au calme. Bah, nocturne. On est en guerre, on est en guerre. Yeah. On est en guerre, on est en quoi? On est en guerre, on est en quoi? On est en guerre, on est en quoi? On est en guerre. Yeah. Yeah. Tu me connais pas. Le morceau s'appelle On est en guerre. C'est extrait donc de la tape qui est dispo gratuite. Aïe aïe aïe. Gratos, gratos. Gratos. Allez-y, c'est pas cher. Profitez-en. Le Fa avec Dry à l'instant. Bah tu vois, ça a bien fait de passer Dry. Ouais, ouais. Tu es live là. J'étais pas très très chaud là. On est un peu là. J'espère que je m'en suis sorti. Tu veux continuer en freestyle? Tu veux continuer entre. On garde des balles, on garde des balles. Il y a quelques balles, t'inquiète, ça arrive. Ah bah, j'en doute pas d'ailleurs. Un petit mot sur Dry, les prochaines sorties. On parlait de la pièce, évidemment, le film. Il y a la bande-son toujours aussi de la pièce où on peut te retrouver avec Carlito. Avec Carlito, terrible. Bien sûr, un morceau avec Aina et Que Black. Oui. Et mon album qui arrive aussi pour le début de l'année prochaine. Ça bosse dur, ça va être sale. Non, je vous en dis pas plus. On est en guerre en ce moment. Est-ce qu'on aura aussi un petit tape avant, un petit truc avant ou oui, un petit avant évidemment, Fred, t'es mon gars. J'ai obligé que je passe te voir avec quelques exclus quand même. Ok, bah t'es toujours bienvenu. Minimum. Quand tu rôdes le vendredi soir, n'hésite pas. Ouais. Tu connais l'adresse. Les loups. Allez, on continue un autre live avec le Nine maintenant. Le Nine qui nous a rejoint aussi. Eh bah c'est parti. Le live maintenant sur Skyrock. Bah tiens, on va dire un mot quand même avec le Nine tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Et oui, il est là, le Nine. Le Ninezer. Il nous a rejoint d'ailleurs pendant l'émission. Yeah, on vous l'a présenté, on peut redire un petit mot sur toi, le Nine, sur ce que tu nous prépares, sur ce qu'on va entendre prochainement. Je prépare un petit EP là. Ouais. Qui arrive bientôt. Là pour l'instant, je lance des sons. Et on verra. Il est chaud, le Nine, hein. Je dis ça parce que vous avez peut-être entendu aussi le morceau de Baraka Adama. Clairement, Parisien Magicien. Parisien Magicien, il est très très chaud dessus aussi. Il est très très très lourd. Et il est donc aussi présent sur ta tape gratos. Exactement, voilà, comme je le disais tout à l'heure, le Nine, c'est un petit du neuf. Donc voilà, c'est la génération qui arrive après la tienne, quoi, non? Un peu après encore, c'est encore plus après, ouais. Ouais, ils sont arrivés après les deux bangs et tout ça. Donc, ah oui, voilà, c'est vrai qu'il y a deux bangs entre temps. Exactement, tu vois, c'est c'est générationnel. Il y a une hiérarchie. Exactement, hiérarchie. Donc voilà, c'était important pour moi de l'avoir sur ma mixtape. Ça faisait un moment déjà que je lui avais dit que je l'inviterais sur un TMCP. Donc voilà, je voulais aussi inviter Franglish, comme c'est deux petits que j'aime beaucoup et qui m'accompagnent en ce moment. Voilà, c'était l'occasion de leur faire une passe et de les mettre un peu en lumière, quoi. Et ben on y va, on attaque le live. On attaque le live. Après celui de Dry qu'on écoutait à l'instant, yeah, ça continue. Booba du Nine, le fa. Ok. Punisher à la prod. Ouais, ouais. J'écris mes textes sur le périphérique. C'est IDR qui valide. En cas de contrôle, oui, en cas de vérif, on se met d'accord sur ce qu'on a dit. Ouais. Si au feu rouge tu tombes sur un paquet, fais-lui un signe par la vite. Ouais. Chez lui, n'en fais pas la timide. Tu peux répondre à l'invite. Ouais. Ok, on te rend dans Paris. Je connais tout le monde, ouais, combien tu paries. Les estomacs gris nous racontent pas ta vie. On va dîner sur les champs comme des Qataris. Tu changes de couleur, c'est pas les néons. T'es juste un de ces négros caméléons. D'équipe en équipe, tu vas gâter les noms. Oh, t'as jamais connu la honte. Je regarde toujours dans mes rétroviseurs. Au cas où je serais dans le viseur d'un média. 10 ans, si ça dérape, on improvise. Nouveau blouson, faut pas le tâcher de sang. Je suis connecté Spotify ou Deezer. Hors de question de rouler sans mettre du son. On passe au Kill Bill pour le dessert. Ouais, je suis Sam et nous de tiramisu. Sur le périphérique, 120 à l'heure. Tourne autour de pays. Fais chauffer le moteur. Sur le périphérique, 120 à l'heure. Tourne autour de pays. Fais chauffer le moteur. Sur le périphérique, 120 à l'heure. Tourne autour de pays. Fais chauffer le moteur. Pied plancher, non, je m'arrête plus. Je suis dans un gros police, transport de la pire. Je regarde dans le rétro, t'apparaît plus. Le radar ne flash que son gros cul. Bouton sport, je te lâche. Tu nous vois passer, tu te fâches. Motards qui nous prennent en chasse. Mais y'a air au volant, je tape. Ouais, c'est calme, Mister Fun. Dis-leur que le nan est toujours en place. Dis-leur que leurs projets négro sont fâches. Que je suis content quand je reçois mon cash. Je vise au millimètre, minimise tout. Je les tape par milliers, gros, je m'en fous. Je n'ai aucune mes limites, belle et cavou. Gros, dans ce milieu, faut être un loup. Le bénéfice, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Les gamos, c'est ce qu'elles veulent. Le bénéfice, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'elles veulent. Yeah. Les gamos, c'est ce qu'elles veulent. Sur le périphérique, 120 à l'heure. Tourne autour de pays. Fais chauffer le moteur. Sur le périphérique, 120 à l'heure. Tourne autour de pays. Fais chauffer le moteur. Sur le périphérique, 120 à l'heure. Bitch. Tourne autour de base. Fais chauffer le moteur. Sur le périphérique. Fais chauffer le moteur. La boîte est manuelle, boîte automatique, boîte séquentielle. Tes gars sont hors sujet. Mes gars sont hors la loi. S'il y a du bif à pêcher, on passera devant toi en queue de poisson. On est brillant comme la tour Eiffel. Impressionnante et la gestuelle. L'homme africain, voiture allemande. Le flow est européen. Dans le carré VIP, on est plus d'un. Le butin ramène putain. Balançaga en cure, Zanotti en donne l'argent facile, fuck à temple. Pas de permis, mais on se permet. Jamais 243, mais j'en ai vu des toutes les couleurs comme un sabre congolais, reste pas dans le périmètre. Chez moi souvent ça boit des flashs, mais on aime pas se faire flasher. Ramène tout et honneur, ouh, on va se flasher. Sur le périphérique, 120 à l'heure. Tourne autour de pays. Fais chauffer le moteur. Sur le périphérique, 120 à l'heure. Tourne autour de pays. Fais chauffer le moteur. Sur le périphérique, 120 à l'heure. Le Nine est dans la maison. Franglish, yeah. La La mixtape, tu me connais pas, disponible en streaming. Allez chercher ça, c'est du lourd. Dans ces choses, dans ce truc. La nocturne à l'instant qui s'achève par ce gros live. Merci à vous, merci à toi le fin. Yeah, yeah, merci à toi Fredo, on est ensemble. Merci pour ce début de nocturne, merci donc à monsieur Franglish qui était là, Mr. Franglish, qui était présent, à Dadju qui était dans le coin. Merci au Nine qui est passé aussi pour le live à l'instant. On rappelle deux, trois petites actus. Donc là, le Fa pour toi, c'est évidemment la mixtape. La mixtape qui est sortie aujourd'hui en streaming. Voilà, allez cliquer. Il y a aussi le clip de Kiss Me, extrait de la mixtape qui est sorti. On l'a écouté tout à l'heure. Voilà, le clip, je l'ai fait avec Bastos. C'est une tuerie. Donc allez voir ça. Il est en ligne depuis 18h. Et voilà quoi. Et un prochain album de Lefa aussi, qui est, ou une tournée, il y a des choses aussi, parce que cet été t'as tourné aussi avec Black M. Voilà, pas mal tourné avec Black, même de mon côté, tout ça. Donc c'est bien, ça m'a permis de voir un peu mon public. Et ça m'a permis de voir que l'album a été bien accueilli, que les gens connaissaient les sons, tout ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis ouais, pour la suite, je suis en train de préparer le prochain album. Donc voilà, cette mixtape, c'est un petit. Un petit cadeau en attendant la suite. En attendant la suite, donc mixtape gratos. Allez profiter, allez vous la retrouver sur les sites de streaming un peu partout. N'hésitez pas à cliquer. Merci donc, je disais, le Nine. Bon courage pour la suite, on t'attend aussi. Ouais. Ça taffe dur. Très dur. Très dur. Ouais. Merci à Mr. Franglish qui était là, à Dadju aussi. Je sais qu'il y a Shin Sekai qui se prépare. Ouais, toujours. Toujours. Il y aura des OOA dans tous les sens. Vraiment. Ah, il y aura du OOA toute l'année 2007. Tu vas l'entendre fort. 2017. Ouais. Merci à vous pour cette nocturne. Yes, merci à toi Fred. C'était le feu. 100% rap français continue maintenant. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Allez, la nocturne, ça continue. Avec le son de PNL. Béné maintenant, c'est extrait de l'album Dans la légende qui fait un véritable carton. PNL sur Skyrock Nocturne, 100% rap français. Béné, béné, béné, béné, béné, béné. Bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene taren taren taren taren taren taren j'suis dingue dingue dans ma tête j'roule j'me fais racole au feu par chez Pana j'vois tes frères rentrer pour tes peines à la Fofana taren taren taren taren taren taren bébé Toro Mario et gauche la tête Zamorano ti bacio a Batis tutta. Les attaquants au ballon car t'es parti pouka. Gang gang j'fais le mili j'sors la seka seka. J'pose avec ma clope avec mon feka feka. T'inquiète mon ami hero de puta puta. T'aimes pas ta copine veut nous faire le boussa boussa. Tereng tereng tereng tereng tereng tereng. T'es dingue dingue dans ta tête. Et toute la journée j'pense à tous ces Calimero. A Géchalkov de Lidron 2 Caballero. Hola hola hello girl. Pas la balle, on te fait la brésilienne. Comment ça se passe dans la ville? Bene bene. Bele que tu sors une arme sans l'âme de Yama Yama. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Chico chico, hola hola, hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Elle écoute PNL quand elle est accroupie. J'crois pas que j'suis condamné à baiser des groupies. Ce soir j'vais me balader, j'vais me rouler un cookie. Onizu Karate, le Ndade, un putain de pisse. J'dis adieu la vie, la mer à la vie. Algérie Corsi, rappelle-nous d'Andy. J'entends crier de Pina, que les Vatican. Grosse couille dans le Seca, j'dis en l'air sans ricane. Je n'ai plus peur du noir, j'suis rassuré par le violet. Tu acres, tu acres, pas le temps de lécher ce honnêt. On voit le tiki tiki, le tiki té. Derrière la fumée, j'aime voir disparaître sa beauté. Awasha, washa, washa, washa, policier. Awasha, washa, washa, washa, madre mia. Pieds sont comme un bouquet, les miens sont beaux lookés. Le monde où nada, monde où nada, nada. Bene bene, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene. Chico chico, hola hola, hello girl. Touchera pas la balle, on te fait la brésilienne. Comment ça se passe dans la villa? Bene bene. Bene, tu sors une arme sans l'arme de Yama Yama. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Chico chico, hola hola, hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Rap français, planète. La Nocturne. C'était nous inviter cette semaine dans l'émission entre 20h et 21h dans Planète Rap. Voici Panama Bende et leur fumée verte maintenant. Hey, hey, je voulais du bif, la bonne affaire m'a filé sous les fils. C'est l'objectif, et de miser sur la mif, partage de bénéfices. Béni, je mène mon clan, au fil du temps, je me crispe. Car, je veux pas une pizza, mi car, ni smoke, ma dernière carte en goal. Quand le fabrique Obama, comme dit Makala, elle donne. One, deux tonnes, pas promis à une carrière sur le trône. Les faux causes pour causer le tort à la BEN des MOP. Coup du MOP avec ta mise au pied, jeune croupier. Tout s'accroupit, j'opère au feeling, obligé de kicker. Aucun disque est rayé comme mon maillot de noix ici. Je pourrais me noyer si tu fais des bords d'Elvase. Bouge la tête avant l'arthrose au bal, je venais monopoliser le mic. Nike Air Max dans la berline, je me casse sur Paris. Sud, les salles, ils suroublient, je me gars à faire du sale. Sud, des villes obscures, inhalent la pure. Peu, les yeux purple, on full, j'beule dans ton peuple, ouais, nique ton peuple. C'est évident, fils. Fuis, si t'assumes pas l'effet surprise, j'vous la même et sur qui j'pourrais jurer miss. Un jour au jour, le jour autour de moi, les vautours get, tendu par les clones des Santec. Nick, j'm'entête quand j'te dis que l'être humain est un bon. C'est perplexe, mais bon, j'relativise sans faire le mec. Et j'ose te dire des choses qu'on expose en fond de puits. Pute, va réviser, au pire, j'me retire vite. J'vois que t'es pélotisé ce but. Moi, veux le salaire d'Ancelotti ou plus. Et pour me branler, j'achèterai le plus. Ou plus, juste gamin qui veut se noyer dans le luxe. Avant la fin de la peine que je purge, je veux la réussite, ça urge. Mais. Quand on ride la ville avec les fenêtres ouvertes, il en sort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien l'accompagné, toujours bien l'accompagné. C'est à ce mode de vie de page qu'on est content. Quand on ride la ville avec les fenêtres ouvertes, il en sort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien l'accompagné, toujours bien l'accompagné. C'est à ce mode de vie de barge qu'on est condamné. Ouais, qu'on est condamné. C'est à ce mode de vie de barge qu'on est condamné. Ouais, qu'on est condamné. C'est à ce mode de vie de barge qu'on est condamné. Yo, c'est Elio, elle est sans attention à l'arrivée des vétérans. On fait les rap donc il est préférable. Vous diriez la référence. Quand y'a plus de hub, on a la club pop comme James Dean. Roule avec des top modèles, donc les coronets vite. Tous les samedis, mes nomades veulent le pécho de la skunk. On domine dans tous les domaines, ça fait headshot, strike, dunk. Mec, on rap classe, on hérite bien, c'est le principal but. Lifestyle américain, nos vies des caricatures. Ça fait middle kick dans le Neyman. De ville en aime ride. Ou road, et sous herbe, viens d'être comme une émeraude. Rap, plus dis que c'est Paris, si que ça se passe. J'viens pas juste de la ville, mais des Paris, ça au side. J'rap pour mes refs, mes princesses qui rêvent. Pour les en Porsche ou en Benz, veulent les poches plein de baisse, plus leur 15 berges. On est le futur, donc on se met juste plus que bien. Luxure et lèvres pulpeuses, plus sûr de rien, mais plus j'fume. Plus j'me dis que j'devrais rouler un autre pur sur ta chute de rein. J'déconne, app, on a un réseau large, j'connais mes sauces par cœur. Trop chaud pour le thermostat ou le ghetto blaster. Les femmes nous insultent, la nure viennent nous chouchouter. Le jour l'amour c'est comme la roulette russe, sauf qu'on est sous boulette. Ok prof. C'est comment, je crois que le chétan est tous les jours sous cam. Il fume sa camelle juste avant de tirer un sac à main à sac aimant. J'ai toute une mif et je peux pas penser qu'à moi. Survêt tout peu sac à mou, pas tout sans passer comme un fils au comore. Pour mon tonton cadère, on fait du bon son t'adhère. Je fume à fond mon yak d'herbe et pas sac à mi, pas si coma dans mes écouteurs. Je me pavane en scooter, 310 au compteur sous un soleil d'équateur. Au quartier, y'a plein d'enquêteurs. Je connais un que tu, il me dit que non. Un inconnu s'est fait canner au cutter. Faut mailler, faut du beurre. Je m'emboîte tes producteurs. Parfois, ma gueule face à ma feuille, je m'arrache les mots du cœur. Je suis bien dans mon décor. Le rap, je l'ai mis d'accord. Message qui m'aide encore à repousser mes blèmes, bro. Comme la mendicaire, Casillas. Moi aussi, je veux ma liasse. Faut que la famille brasse, on s'allie à la street. Mange tous les jours Faritas. Marceau le matou, AKL sera mon alias. Ça allait où tous les MC sont à l'ouest. Quand on ride la ville avec les fenêtres ouvertes. Il en sort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien l'accompagné, toujours bien l'accompagné. C'est à ce mode de vie de barge qu'on est content. On ride la ville avec les fenêtres ouvertes. Il en sort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien l'accompagné, toujours bien l'accompagné. C'est à ce mode de vie de barge qu'on est condamné. Ouais, qu'on est condamné. C'est à ce mode de vie de barge qu'on est condamné. Ouais, qu'on est condamné. C'est à ce mode de vie de barge qu'on est condamné. Ok les amigos sont hâles, prêts pour la fonce dalle. On se cale des gros G et dès qu'on sort on sky. On se taille des bars avec des meufs, du bon sky. Bronche app derrière le comptoir, fais moi de la sombre. Bonsoir c'est chum, on te garde tes fonce car devant tes darons. En plus t'as même pas ton gars. On parle de tout, de rien. Merci SF pour ton flow. De rien, je crie un texte comme ça que je vis. Le bien net peut être vilain. Pire qu'un fils d'inceste, honnête, bilingue, ouais, j'ai pas encore démarré. Ça les fait marrer, ferait mieux de se préparer. Le vent tombe comme monte la marée. J'ai décalé des pierres pour pouvoir observer la vue. Dans le rap, on perd de la thune, c'est constat amer de la fugue. À skip, faire de la musique, frère, c'est faire de la flûte. L'appel de la gravité, c'est l'appel de la chute. Mais la vie est yo. Alors je ride, ride, ride. Bien quand je fais du son, ma tête c'est vade, vade, vade. Groove dans le sang depuis la naissance. Faire du sale, on essaie. Mais dans ce monde, y'a même plus d'essence. On te laissera pas plus de essais. Je crois que tu vois qu'on essaie, t'es qu'on a tous un peu d'aisance. Notre bolide, c'est les textes. La force de nos fans, c'est l'essence. Ouais, c'est l'essence. C'est l'essence. Quand on ride la ville avec les fenêtres ouvertes. Il en sort des nuages de fumée toute verte. Toujours bien l'accompagné, toujours bien l'accompagné. C'est à ce mode de vie de barge qu'on est condamné. On ride la ville avec les fenêtres ouvertes. Il en sort des nuages de fumée toute verte. Toujours bien l'accompagné, toujours bien l'accompagné. C'est à ce mode de vie de barge qu'on est condamné. Ouais, qu'on est condamné. C'est à ce mode de vie de barge qu'on est condamné. Ouais. Qu'on est condamné, c'est à ce mode de vie de barge qu'on est condamné. Planète Rap, 100% Explicit Lyrics. This is Eagle Screen. Marche sur l'eau, mais ne le dis pas, cabro, négro, je suis né le 25 décembre de l'an zéro. Plus qu'une étincelle, papy, je suis inflammable, je suis sur terre pour toucher le ciel. J'ai les mains faites pour l'impalpable. Une antillaise, une philippine, une latina, mon proche, il connaît toutes les langues comme s'il avait fait LEA. J'attends la plaque diplomatique et je laisse le game en convalescence. Crois l'exis, gros, je m'endors à la pompe à essence. Y'a pas d'amour dans le rap, protège tes côtes, je suis là pour faire du bif, pas pour me faire des potes à la compote. Regarde, ces négros parlent mal, je casse la baraque, mais je suis trop fort pour faire une rime avec Obama, gros bâtard. C'est rien, je les enchante comme Merlin. Je brûle la schneck de Nadine Morano avec l'essence de Guerlain. Pendant que ces nazes rappaient, j'étais dans la Sudan avec des Ashkenazes qui mangent du mafé. C'est pareil dans le bien, uni dans le mal. Tu te rends compte, on n'a pas le même dieu, mais on a le même diable. Fuck, tout ça me fait marrer. Surtout quand je me rappelle qu'à cause de vos conneries, James et Camnous m'ont jamais pu se marier. Enfermé en studio pour que mon album puisse les kill. Quand le chat n'est pas là, les souris se prennent pour les twins. Les souris se prennent pour les twins. 24K sur Imani, ça part de là. Ok, j'arrive dans ta ville. J'arrive dans ta ville. Haricots magiques, plaque diplomatique. Ok, j'arrive dans ta ville. J'arrive dans ta ville. Haricots magiques, plaque diplomatique. J'suis des schnecks, j'suis des chèques, j'suis des autographes. J'suis noir et confortable comme un roche de bois. J'suis des schnecks, j'suis des chèques, j'suis des autographes. J'suis noir et confortable comme un roche de bois. J'suis venu sur terre avec une auréole. J'manque d'air comme les mots créoles. Anyway, j'n'y vois plus bien. Mais j'étais déjà plus fort que le quart du rap français à l'époque où je n'avais pas de poils plus bien. GMG, GMG, on kick et baisse tout. Si t'es une grosse merde, c'est pas de la faute du mec tout. GMG, GMG, l'équipe est West Coast. J'rachète mon contrat avec un ticket resto. J'me pose des questions qui réveillent le feu. C'est quoi le nerf de la paix? C'est quoi l'amour? C'est qui la mère de Dieu? Les voies de l'enfer sont-elles pénétrables? Ça a combien le paradis? Est-ce que l'enfer c'est à Châtelet les Halles? Dans ce game c'est qui les Youth Dog? Est-ce que dans l'eau de la Serge Gainsbourg a finalement Ken Whitney Houston? En première classe je suis au style comme Defro. Et je me torche avec la main gauche et de l'eau. Ouais bro. Ok j'arrive dans ta ville. J'arrive dans ta ville. Haricots magiques, plaque diplomatique. Ok j'arrive dans ta ville. J'arrive dans ta ville. Haricots magiques, plaque diplomatique. J'suis des schnecks, j'suis des chèques, j'suis des autographes. J'suis noir et confortable comme un roche de bois. J'suis des schnecks, j'suis des chèques, j'suis des autographes. J'suis noir et confortable comme un roche de bois. Black Diplo, j'ai pas de Ghost Rider mais j'ai un dactylo. J'fais tapiner des rappeurs pour un sac d'hydro. C'est un solaire Picasso ou un Juan Miro. J'débarque à l'ambassade, l'or est rose, la rose est jaune. La 4 manisone, mais à la mode la camisole. Oh oh, départ j'suis pauvre, là on me suit sur un Chesterfield. Dieu est dans mon gang, demande pas de lui faire faire un signe. Shit, yeah.

jamais personne, moi. Je ramène toute la mi-fa. Tu nous aimes pas, on ne t'aime pas aussi. J'ai des puissants chevaux sous la carrosserie. Je veux juste te serrer, tu veux me faire courir. À genoux devant ma glace, tu t'entraînes à courir. Rapper mieux que ces chants, pour moi c'est Sylpha. Ne t'excite pas, tête de bide va. Coupe la flèche, nous ça mousse trop, ça mousse trop. Je navigue à travers leurs yeux mous comme le commandant Cousteau. Je suis sur terre, je suis dans le ciel, je suis ce nec providentiel. J'encule les présidentielles, passe-moi juste le jack au miel. Mets des likes avant qu'on vienne te mettre des claques. Mets des j'aime, je te démarre comme le KTN. Mets de la beuh dans ma chicha, de la beuh dans ma chicha, de la beuh dans ma chicha, de la beuh dans ma chicha. Lunettes, paire de dita, j'décolle, j'ai mon visa. J'fais une Lamborghini garée sous le pont de la villa. J'mets de la beuh dans ma chicha, de la beuh dans ma chicha, de la beuh dans ma chicha, de la beuh dans ma chicha. Lunettes, paire de dita, j'décolle, j'ai mon visa. J'oublie jamais personne, moi, j'ramène toute la mi-fa. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Mes frères le savent, ce que je fais c'est ton fessier, ça moi je tape, qu'est-ce que c'est? La propagande arrive négro, car vous êtes très très très mou. Fils de malade, toi t'es pas là, car t'es très très très nul. Négro très très content quand je vois que les très très périssent. Oui, très très tentant, sur ces femmes aux beaux petits légumes. Quand le piston mis, j'ai le sourire, j'ai du mal à comprendre. C'est Tommy, guette la malade bien sur le mili. Joli garçon, yes, c'est terrible. Me comparer à eux, c'est comme si tu compares le guetteur au trafiquant. Guetter, je suis dans les temps, parisien gros, oui, c'est évident. Parisien magicien, parisien magicien. Parisien magicien, parisien magicien, parisien magicien, parisien magicien, je transforme tout en or, moi, parisien magicien, parisien magicien, parisien magicien, parisien magicien, parisien magicien, parisien magicien, parisien magicien, je transforme tout en or, moi, parisien magicien, magicien Houdini, parisien pour la vie. Transforme résine en pif, comme si je fumais un spliff. Participe à Nanani, je rentre compète sur la vie proliquée. J'avoue, je suis un peu compète, mais t'en occupe pas de mon avenir. Hey, j'ai pas utilisé les pas de produits dérivés. Pour être en pulse, c'est sûr, je vais y arriver. Allume le feu comme Johnny Hallyday. Si on va courir et ton cœur palpiter. Cacabao, en live de Periscope. Même dans le froid, mon territoire. On rentre chez toi quand on périt. On n'est pas là pour faire du cinéma, c'est moi le geek qui mène la danse. Ici c'est Paris, quoi qu'ils disent, numéro uno quand j'y pense. Tu visites la tour Eiffel, on localise ton appareil photo. Non mais de quoi je me mêle, parle pas de moi et mes potos. Djangili, djangili, faut pas être nerveux. Vas-y les fusiller tous ces petits merdeux. Milili, milili, je le veux en sérieux. Laisse les parler gros dans sa coin, ils sont tous vieux. Paname est magique, mais les rues sont salaces. Toi t'as cassé mon fer, mais t'inquiète, tu vas ralasse. J'ai rêvé d'une frappe qui me sert dans le palace. Parisien magicien, qui te blesse barra trop la classe. Parisien magicien, parisien magicien, parisien magicien, parisien magicien, parisien magicien, parisien magicien. Je transforme tout en moi, moi, parisien magicien. Yai boy, yai boy, yai boy. C'est Bava qui contrôle, ouais. Ma langue en Beretta, yeah. Je suis dans la 9ème zone, ouais. Le flow est véritable, yeah. Et là c'est mon défaut. Parisien irritable. On contrôle la ligue à l'illégal, l'élégance, les dégâts, y'en a trop, la dégaine, Paris gros, fait des babés, des boîtes, les gros rêves de nous, oui, car elles sont du goût, tout nous, MC, des coupes, on vise à toutes les coupes, la France est à l'écoute, d'ailleurs, je te dédicace. Parisien magicien, on a mis au chômage tous les boumaras. Si on rentre sur le terrain, 3-0 minimum, t'es dans l'embarras. Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien. J'transforme tout en or, moi, Parisien magicien. Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien, Parisien magicien. J'transforme tout en or, moi, Parisien magicien. 100% rap français, Planète Rap. La Nocturne. Avec Tito Prince et Youssoupha. Mime. C'est mon heure, je regarde les cieux. Mon Dieu me dit fiston, vas-y, tu me fais honneur. Un raciste pour faire mon rêve. Contre le devil, je mettrai sa race sous chambre à gaz ou sous les chaînes de slave. Ne t'attends pas à ce que je sois fort, c'est mon sec, pas ma grosse tête. Car c'est pétri, gardez le placenta. T'attends pas à ce que je garde la peur au ventre vu le spectacle. Mal mon rap, un peu plus de résultats que le spectacle. C'est la mort de ce rap qui fait marcher à reculons. Y'a pas écrit voleur ou insulte ta femme sur le curriculum. C'est la mort de ce rap qui encourage mes manes à s'autodétruire. Fait par le divin dans ce corps humain du Congo ex-Zaïre. J'emmène le truc dans une nouvelle ère, non? Dès que je suis parti, personne m'arrêtera. Personne, non, non, ne m'arrêtera. J'ai stoppé la manie de leur laisser l'espace. C'est bon, annoncer la mort, mort de la pétra. Fais tout donner pour pouvoir bouger nos lives. En commençant par changer ce game. Dès que je suis parti, personne m'arrêtera. C'est bon, annoncer la mort, mort de la pétra. T'as vu toute blague dans mes propos. Pourquoi tu colleries quand je dis que je hais le morceau? I'm in love with the coco. Life pour mes locaux. C'est ce que je peine à leur faire bouffer. Pour remplacer les peines ou le plat d'un loco. 243 qui toco. Vénère en veste croco. Ma couleur vous emmerde. Mais je suis trop nègre pour le choco. Donc retenez bien mes propos. Je suis pas de ton microcosme. Je prie pour le prochain blanc qui me demande. T'as pas de la coco. Je suis ni dealer ni clodo. La France et moi, le courant passe tellement mal. On dirait la baignoire à clo-clo. J'ai t'expliquer le topo. Faire répliquer mes photos. L'instru est découpé. Encore un couplet qui fait pop. La gloire essaie de m'échapper, faut d'abord que je l'attrape. MC faut se remettre à rapper, c'est la mort de la trappe. Oh, c'est juste un cap, demain ça ira. On vous a menti, surtout pas qu'il est vivant et il est aérois. Dès que je suis parti, personne m'arrêtera. Personne, non, non, ne m'arrêtera. J'ai stoppé la manie de leur laisser l'espace. C'est bon, annoncer la mort, mort de la pétra. Fais tout donner pour pouvoir bouger nos lives. En commençant par changer ce game. Dès que je suis parti, personne m'arrêtera. C'est bon, annoncer la mort, mort de la pétra. Ok, ok, ok, ok, Prince, yes, ok. Vrai, je suis un genre de Kanye West de l'autre côté. J'en donne un l'industrie du disque, s'embolise sur un anon comme Christ. Incorruptible, même dans un Kento qui prend chicken. Fin de strap qui insulte le corps de ta maman. Ça y est, nanana, non, moi je t'apprends à augmenter son salaire. J'monte l'estime de soi, mon gars, par la grâce, pas le karma de Kinshasa à Panama. J'pète les chaînes et les cadenas. C'est mignon de voir la tête que tire ton médium. Où sont les portes fermées, j'me balade comme dans un musée, homme. C'est pas la mort d'un style de musique sur du 808. C'est la fin de l'autodestruction pour mes frérots qui s'ennuient. Dès que je suis parti, personne m'arrêtera. Personne, non, non, ne m'arrêtera. J'ai stoppé la manie de leur laisser l'espace. C'est bon, annoncer la mort, mort de la pétra. Fais tout donner pour pouvoir bouger nos lives. En commençant par changer ce game. Dès que je suis parti, personne m'arrêtera. C'est bon, annoncer la mort, mort de la pétra. Vous êtes sur Bon Dieu FM. Président d'une radio plus grossière que courtoise, Henri de Lesquin souhaite devenir le prochain président des Français. Dans sa parodie de programme, il propose de bannir la musique nègre des médias soutenus ou

West Indies, négro radical, Haïti, royaume d'Africa. Qui va défendre tous nos écrits, c'est ni le cran, ni même la licra. Prime. Musique nègre, pas calibrée pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence. Musique nègre. Gardez yes weekend. On fait de la musique show, nègre. Je suis choqué leur cosa. Choqué leur cosa. Musique nègre. Pas calibré pour la FM. On fait de la musique nègre. Quelle insolence. Musique nègre. Gardez yes weekend. On fait de la musique nègre. 100% explicite lyrics. Planète Rap. Hey. Crix dans la nocturne. C'est ton négro, c'est R.I. Lims à la prod. Et de la ce plat pour mes bandits. Ouais mon négro, on a grandi. Ah mais oui. Franchement, et tout. Yeah, yeah. Pour faire du rallye, on a quitté la classe. Si tu dors sur un plan, on va te piquer ta place. Toi tu veux pas laisser mes négros bouffer. Ok, y'a ta soeur pour t'électrocuter. J'appelle le bonheur mais ça s'en occuper. Bang bang bang bang. Je sais pas si t'as pu le niveau de CRI, voilà c'est fabuleux. Je viens du 9-3 chez nous c'est crapuleux. Il t'a canadé, tu me renois, tue-le. Même si parfois ça pue le placard. Tout le monde sait que chez nous quand on joue avec le feu ça brûle. Parce qu'on veut voir le billet s'entasser. Mais la scar sont des terres donc ça vandasse. Si le dealer se pétait, il s'est remplacé. Je pense à mes frères écroués. Tu t'es fait péter, c'est dommage. Pour faire sympa, tu te fais trouer. Ta femme a fait tout un fromage. Crois pas qu'un savant s'adore, gros car j'avance à bord. Un gros aventador, ego. Crois pas que mes gravants t'adorent. Une part d'un gratador, pris juste avant ta mort. Ok, j'rappe mieux que mes sons sont percutants. Bizarrement, tu perds tous tes potos quand t'as décidé d'arrêter de perdre du temps. On va se les faire. Game en moins de deux. À moins que certaines sont pas satisfaites. Que des billets gratte chez nous, ouais, c'est ça qui sait. La drogue et les meurs, négro, ça tu le sais. Ouais, ça tu le sais. Mais tu vas fermer ta le gueule. Prends ta monnaie pour épouse, me barrer de la street. Négro, ça je le veux. Oh, roule en deux temps. J'vous en deux temps. T'as une dent contre moi, ok. J'te casse les deux dents. Tu t'as foncé cet été. Jusqu'à cet été. C'est pété, tu n'auras jamais de GTD. Si tu te fais péter, nous on paye ton pave, ça veut. Dire si tu passes au ça veut. Tu vas dormir dans ma cave. Je fais encore du compète, moi j'ai pas assez peur. Je suis né sur scène, cite-moi un négro qui n'est pas déter. Je rappe mieux que ça se voit direct. Je baisse toute la nouvelle école, ramenez-moi le direct. On va se les faire. La nocturne. Yeah. Al Matador. Remix. désolé, téléphone, non pas la 4G. Parce que ça donne ta position, chef brigadier. Commission rogatoire, tu manges une peine de plancher. Rafale dans les jambes, tu sais plus sur quel pied danser. Vivre au jour le jour, faire du buffle dépensé. En plus de ça, t'es même pas sûr de ressortir entier. Point de non-retour, je vois pas l'avenir s'arranger. Aux portes de l'enfer, y'aura du monde à l'entrée. De la vodka dans le biberon, Kétama dans le pilon. Ténébreux et l'horizon. On esquive la tolle, les Schmitt, les coups de taser. J'aimerais voir sa gueule sans filtre et sans make-up. Elle est chargée, je jette un œil dans le rétro. Teintées sont les vitres dans le Merco Benzo. Sa bibi la coque, le shit, la beuh. Sa bibi la coque, le shit, la beuh. Sa bibi la coque, le shit, la beuh. Sa bibi la coque, le shit, la beuh. On esquive la tolle, les Schmitt, les coups de taser. J'aimerais voir sa gueule sans filtre et sans make-up. Elle est chargée, je jette un œil dans le rétro. Solide comme Pogba ou bien Golo Kanté. Tu nous veux, tu nous payes, faut que le fair play financier. Fais pas le fou ici à vouloir nous estanquer. Tu vas faire connaissance avec les ambulanciers. J'ai attendu longtemps, personne m'a fait la passe des. J'ai jamais fait le vendu, donc j'ai pas pu me racheter. Les disques d'or, c'est pas pour nous. Sous la doudoune, l'outil est planqué. De la vodka dans le biberon, Kétama dans le pilon. Ténébreux et l'horizon. Les Schmitt, les coups de taser. J'aimerais voir sa gueule sans filtre et sans make-up. Elle est chargée, je jette un œil dans le rétro. Teintées sont les vitres dans le Merco Benzo. Sa bibi la coque, le shit, la beuh. Sa bibi la coque, le shit, la beuh. Sa bibi la coque, le shit, la beuh. Sa bibi la coque, le shit, la beuh. On esquive la tolle, les Schmitt, les coups de taser. J'aimerais voir sa gueule sans filtre et sans make-up. Elle est chargée, je jette un œil dans le rétro. Le shit, la beuh. Ta bibi la coque, le shit, la beuh. Ta bibi la coque, le shit, la beuh. Ta bibi la coque, le shit, la beuh. On esquive la tolle, les Schmitt. Sans filtre et sans make-up. Dans le rétro, teintés sont les vitres. Oh, ta bibi la coque, le shit, la beuh. Ta bibi la coque, le shit, la beuh. Planète Rap, 100% rap français. DRY, Alito. À la kiss, à la kiss. Ouais, gros. À la kiss, toujours posé dans le fond. À la kiss, on veut des tisses, mais c'est bon. Je vais pas te faire un chrome pour un verre de grenadine. Y'a Dry en featuring pour un putain de million. De toute façon, tu me connais. Je prends ça comme un jeu, casse la sur la chemise, je danse comme un vieux. J'ai tout dans le crâne, décidé à faire du bruit. Calito, c'est trop cher, même pour les Qataris. Je suis dégueulasse comme la bouffe de la cantine. C'est comme ça la douche vient, la misère c'est ma copine. Tant que c'est du lourd, le bon son c'est ma démarche. Les bombes se battent, j'ai des boutons sur la ganache. Viens au quartier, pour un rien ça se castagne. Une meuf, un billet ou une part de lasagne. Tout le monde est en condi, les thunes on brandit. Sans emploi, mais on brûle des Porsche et des Audi. Nous on fait la fierté des parents et celle du sous. Fais que des mots car nous on vient d'en dessous. Faites place si vous êtes sur notre route. Tête basse si tu veux pas qu'on shoot. Nous on fait la fierté des parents et celle du sous. Fais que des mots car nous on vient d'en dessous. Faites place si vous êtes sur notre route. Pas, si tu veux pas on s'enlise dans le vice comme on glisse pour les foufs négro. Certains se paralysent pour des zouz ou un douze les gros. Bras ici sont des manchots car le poids ne fait pas l'homme. Faut que tous ces fachos qui nous voient comme major. D'hommes bien décidés à prendre ce qui nous éduque. On se fait tout un ciné pour graille comme nos élus donc. Ça brinque les BICS. Aujourd'hui nous on se contente que des BACS. La qualité reste donc on kick sale négro. La vérité blesse donc on parle cash. Nos mots sont lourds comme nos broliques, durs comme nos chroniques. Mafia africaine, homicide, radiophonique. Je suis le choléra des colériques, donc fuyez-moi. Si l'alcool me monte au nez, c'est mieux, suivez-moi. Je suis l'agent Smith dans le peur à moi, tu me vois partout. Et pour m'arrêter, il te faudra plus que quelques cartouches. Nous on fait la fierté des parents et celle du sous. Fais que des mots car nous on vient d'en dessous. Faites place si vous êtes sur notre route. Tête basse si tu veux pas qu'on shoot. Nous on fait la fierté des parents et celle du sous. Fais que des mots car nous on vient d'en dessous. Faites place si vous êtes sur notre route. tête basse si tu veux pas. C'est dans le son qu'on a fait nos premiers pas, pas de chance, mais on fonce quand même. Nombreux sont les problèmes, on les règle quand même. J'ai vite fait le choix, business et familial, catégorie des lourds. Plus on gagne, plus on savoure. À la kiss, c'est notre gastos de tous les jours. À la kiss, y'a rien de gratos, sors la tête du volcan. Carlito n'a pas d'idole, un peu parano, compte les erreurs comme à l'école. Chaud bouillant comme ces troupes qui partent en guerre. 10 000 watts, des watts, ça déboîte tous les concerts. Rien que des loups, je me suis fait beau, j'ai mis un costard. Même quand on est frais, on reste grillé comme au TK. Nous on fait la fierté des parents et celle du zoo. Fais que des mots car nous on vient d'en dessous. Faites place si vous êtes sur notre route. Tête basse si tu veux pas qu'on te shoot. Nous on fait la fierté des parents et celle du zoo. Fais que des mots car nous on vient d'en dessous. Faites place si vous êtes sur notre route. Tête basse si tu veux pas qu'on te shoot. La nocturne. Forget. Avec Elams. Elams donne la marine, tu connais, c'est comme ça. Elle me fait la crise parce que je rentre tard, je lui dis ouais. Elle me demande à sortir le soir, je lui dis ouais. Elle veut plus que je traîne avec mes potes, je lui dis ouais. Ouais, elle veut que j'oublie ma tumeur, elle lui dit ouais. J'suis badawan, ouais. Elle écrime la humaine, elle me dit qu'elle en a marre. Mais bla, moi j'veux la mailler, elle bla. Quand j'suis dehors, elle me dit j'lui manque. Quand elle me demande où t'étais, j'lui dis avec mes potes, elle me dit j'lui mens. Ouais, mais non, hôtel, elle me dit ouais, mais rentre, ouais, mais pas maintenant, t'es pas ma maman, donc faut que tu te détendes. Elle me fait la crise parce que je rentre tard, j'lui dis ouais. Elle me demande à sortir le soir, j'lui dis ouais. Elle veut plus que je traîne avec mes potes, j'lui dis ouais. Elle veut que j'oublie ma team, elle lui dit ouais. Elle croit que j'ai la maille, elle est comme les Schmitt, ils croient que je suis le boss du haz. Tes commentaires, je m'en passe, elle me dit que j'ai des tasses. Elle mesure pas ses phrases, mon album s'en dans les bacs. Ouais, pourquoi tu parles mal? Je vais te mettre une gifle, tu vas dormir toute la night. Le rap ça la dérange, chip et tout si romante. Tous mes gars me disent ça démente, de janvier à décembre. Elle me fait la crise parce que je rentre tard, je lui dis ouais. Elle me demande à sortir le soir, je lui dis ouais. Elle veut plus que je traîne avec mes potes, je lui dis ouais. Elle veut que j'oublie ma team, elle lui dit ouais. T'es mon amour, t'es mon petit cœur, ça n'en doute pas. Ouais, ce que je fais c'est pour nous deux, ça n'en doute pas. Ouais, c'est toi et pas une autre, ça n'en doute pas. Ouais, toi et moi c'est pour la vie, ne t'en fais pas. T'es mon amour, t'es mon petit cœur, ça n'en doute pas. Ouais, ce que je fais c'est pour nous deux, ça n'en doute pas. Ouais, c'est toi et pas une autre, ça n'en doute pas. Ouais, toi et moi c'est pour la vie, ne t'en fais pas. Elle me fait la crise parce que je rentre tard, je lui dis ouais. Elle me demande à sortir le soir, je lui dis ouais. Elle veut plus que je traîne avec mes potes, je lui dis ouais. Elle veut que j'oublie ma team, elle lui dit ouais. Elle me fait la crise parce que je rentre tard, je lui dis ouais. Elle me demande à sortir le soir, je lui dis ouais. Elle veut plus que je traîne avec mes potes, je lui dis ouais. Elle veut que j'oublie ma team, elle lui dit ouais. Français 100% explicite lyrics. La nocturne. Je suis à 91 milieu sous la mer.